Et là, comme mon cœur, réponse que je veux donner. Grave dans mon délire, mais plus mal les abandons. Et y'a quelque chose qui m'intrigue, madame est venue en 4x4. Et puis on se tourne autour, dans la salle, je la vois en chap-chap. Le genre de meuf fait voir tes DM direct un peu. D'après ce que m'a dit, sa voix, tout son style de bouc-bouc. Fini de faire le débile, j'ai donné donc je me méfie. Elle a plus de charme que celle qui ou un gros boule-boule. Tu panique, t'es en panique, panique. C'est ce qui fait mal à la tête. Tu panique, panique. Jolie, mais je panique. Ça me fait mal à la tête. Oh, c'est vrai que t'es jolie, madame. Jolie madame, mais t'auras pas mon cœur. Dans c'est pas que je suis un poli madame, ta manière de faire fait peur. Dis-y, je suis la plus belle, la plus chaque fois en fait elle. Sois l'homme de cette jolie madame. Dis-y, je suis la plus belle, chaque fois en fait elle. La meilleure de ces jolies madame. Bah écoutez les gens pas, ne me promets t'étais pas là. Je remets tout à demain. T'es moi tu deviens malade, pas pour que je te balade. T'as des doutes, mais moi j'suis pas comme ça, baby. Tout écoute, j'ai pas joué, madame, baby. Tu m'en fous, t'es pas mal de. Même si on a dit qu'on suffit. Let's go now. One time. Two time. Tick tock. Shatter. One and good dung through the shatter. To take a race, I shatter. Good dung, my girl through the shatter. Shatter. One and good dung through the shatter. To take a race, I shatter. Good dung, my girl through the shatter. Dirty, a kaila to take a kaila kakazi, yo party party. Bad girl can wind up to take a vodka champagne, two moons at the gag. Flex, we are flex on no party man flex. Girl, you are the best, she don't want the best. Me see living it test, me don't make a benefit. Yo papa, you can fix. Shatter. One and good dung through the shatter. To take a race, I should shatter. Good dung, my girl through the shatter. Shatter. One and good dung through the shatter. Docteur, ce soir je marie Rihanna. Ce soir je marie Rihanna. Docteur est là pour toi, Gyal. Active ton machata. Ce soir, je marierai un ange. Ce sera pas d'autre pour toi, Galdem. Ils t'amèneront dans les nuages, Gal. Ce sera pas d'autre pour toi, Galdem. Quand elle entre dans la boîte, impossible que tu ne vois pas cette miss. Elle débarque sur la piste, les mains déjà en position sur les cuisses. En famille elle fait l'ange, mais en boîte je ne vois pas d'ange. Elle fait tout pour te plaire, je vois qu'elle n'a pas peur des piqûres. Docteur est là pour toi, Gyal. Active ton machata. Ce soir je marierai un ange. Ce soir, pas d'ange présent dans la salle. Ambiance macabre, chata animal. Que des bondas, surentraînés, venus whiner, coca jack day. Elle maîtrise l'art de l'arrogance. La température monte quand elle danse. Prépare ton cardio pour la soirée. Elle veut un docteur pour la calmer. Docteur est là pour toi, Gyal. Active ton machata. Ce sera pas d'autre pour toi, Gyal Dem. Dans les nuages, Gyal. Ta.